Conte de fées en français. Le valeureux petit tailleur. Il était une fois, dans une petite ville, un tailleur nommé Riol. Riol passa ses jours à fabriquer les plus belles robes et vêtements pour tous les habitants de la ville. Un jour, alors que Riol était assis et cousait dans la pièce, des mouches vinrent grouiller autour de lui. Tout d'abord, il essaya de les éloigner. Ah, ces mouches sont si ennuyeuses. Allez-vous-en, partez. Allez-vous. Ah, elles sont parties enfin. Elles pensaient faire un match avec moi. Ah, d'autres mouches maintenant. Je dois être aussi doux que de la confiture pour qu'il y en ait autant. Disparaissez. Allez-vous-en. Oh, 7 mouches mortes. J'ai chassé 7 mouches tout seul. Les mouches ont tellement peur de moi. Je suis une personne courageuse. Le monde entier devrait être au courant de ça. Alors, il prit tout ce qu'il pouvait trouver dans sa maison, mais il n'y avait qu'un morceau de fromage. Il le mit dans sa poche et entreprit d'annoncer au monde sa bravoure. Alors qu'il voyageait, il vit un oiseau coincé dans un buisson. Je sens que cet oiseau pourrait être utile pour moi. Alors, il mit le petit oiseau dans son sac et reprit son chemin. Finalement, il arriva à une colline. Riol était fatigué de marcher autant. Alors, il décida de se reposer. Ah, cette marche était si fatigante. Ce rocher devait être parfait pour reposer mon dos. Ah, c'est tellement... Oh ! Riol fut très surpris, car le rocher qui s'était éloigné n'était pas un rocher du tout. En levant les yeux, Riol vit qu'il s'était posé contre le pied d'un géant. Et maintenant, le géant était là, énorme, menaçant le pauvre petit Riol. Mon Dieu, un géant. Le rocher était son orteil. Pas étonnant que c'était si malodorant. N'appelle pas mon orteil malodorant, toi petit humain insignifiant. Tu sais pas qui je suis. Je suis le géant le plus puissant qui ait jamais existé sur cette planète. J'ai vaincu de nombreuses guerres et j'ai mené de nombreuses batailles. Tu n'as jamais entendu parler de moi? Non. Mais avez-vous entendu parler de moi? C'est moi qui en ai chassé 7 tout seul. 7? Oui, 7 tout seul. Mais qu'est-ce qu'il a chassé? C'était des hommes? Étaient-ils des géants? Et s'il s'agissait de mouches? Non. Personne ne se vanterait de chasser des mouches. Très bien. Alors, laisse-moi tester ta force. Tu peux faire ça? Le géant leva un énorme rocher et l'écrasa entre ses mains. Il se brisa et se réduisit en poussière. C'est tout? Moi, je peux transformer un rocher en eau. Riol sortit le fromage de son sac et le serra fortement. Le géant regarda le liquide s'écouler du fromage. Il ne savait pas que c'était un fromage et crut ce que Riol lui dit. Très bien. Mais voyons comment tu lances. Et il ramassa un rocher et le jeta loin dans les airs. Il atterrit très loin dans un bruit assourdissant. Ah, voyons, voir si tu fais mieux. C'est la chose la plus facile que vous m'avez demandé. Il fouilla de nouveau dans son sac et sortit l'oiseau. Il le cacha bien entre ses mains et il le lança de sorte que le géant ne pouvait pas voir que c'était un oiseau et non un rocher. L'oiseau, extrêmement heureux d'être libéré, s'envola dans le ciel. Comment tu as fait cela? Mon rocher est tombé au sol. Pourquoi ton rocher n'a pas fait la même chose? Parce que je l'ai bien mieux lancé. Ça veut dire que vous êtes plus faible que moi. Ah, vous sentez mauvais. Je ne sens pas mauvais. Bon, je dois ramener cet arbre dans ma grotte. Tu dois m'aider à le porter. Es-tu capable de le faire? Bien sûr que je peux le faire. Vous pouvez porter le tronc, je porterai les branches. Mais le tronc semble plus lourd. Pourquoi devrais-je le porter? Grand géant, parce que le tronc se trouve à l'avant. Et puisque je ne connais pas le chemin de votre grotte, je porterai la partie arrière de l'arbre. Le géant accepta donc la suggestion de Riol. Car bien que le géant était fort et puissant avec une voix comme le tonnerre, son esprit n'était pas si fort. Et comme il portait le tronc lourd, il ne pouvait pas regarder derrière. S'il avait fait ça, il aurait vu Riol assis joyeusement et paresseusement sur les branches. Comment peut-il siffler ainsi? Les branches ne sont-elles pas lourdes pour lui? Il doit être fort. Je ne peux pas avoir quelqu'un de plus fort que moi. Je dois me débarrasser de lui. Enfin, ils atteignirent la grotte. Riol sauta des branches et le géant se retourna. N'es-tu pas essoufflé? La marche et l'arbre n'étaient pas trop pour toi? J'en ai chassé 7 avec juste un revers de main. Porter un arbre énorme à travers les collines n'est rien pour moi. C'était très facile. Tu sais, c'est un bon exercice. Pourquoi tu ne passerais pas la nuit ici? À moins que tu aies un endroit où dormir. Non, je n'en ai pas. Ça me plairait de rester ici pour la nuit. Riol et le géant dînèrent ensemble cette nuit-là et finirent par s'endormir. Cependant, le lit de Riol était trop grand pour lui. Alors il alla dans un coin de la chambre et s'endormit là. Au milieu de la nuit, le géant vint dans sa chambre et se pencha au-dessus du lit. Il avait une barre de fer avec lui. Avec la barre, il brisa le lit en deux. Voilà! Maintenant que je me suis débarrassé de lui, je vais bien dormir ce soir. Quand le matin fut venu, le géant était heureux de prendre son petit déjeuner. C'est alors que les portes de la chambre de Riol s'ouvrirent et Riol apparut. Bonjour, monsieur le géant puant. J'ai bien dormi, mais je suis désolé de vous apprendre que votre lit est cassé. Je me suis peut-être trop étiré hier soir. Comment? Mais comment es-tu en vie? Ah, c'est trop pour moi. Le géant, accablé de peur, sortit de la grotte et disparut à jamais. Riol continua son voyage un peu plus. Cette fois, il atteint un royaume, entra dans les jardins et s'endormit sur l'herbe molle. Là, un garde le vit dormir et le réveilla. Qui êtes-vous? Et comment osez-vous entrer dans le grand palais du roi? Dites à votre grand roi que moi, le grand Riol, qui en a chassé 7 tout seul, est venu le voir. Le gardien fut choqué quand il entendit cela. Il accompagna Riol auprès du roi. Waouh! Le palais du roi! Ces mouches m'ont vraiment porté chance. Je vous salue, Majesté. Je suis Riol, le grand homme qui en a chassé 7 tout seul. C'est en effet incroyable à entendre. Mais mon royaume est perturbé par 2 géants. Ils font peur à mon peuple et nous enlèvent nos animaux. Vous devez aller dans la forêt où ils vivent et les attraper. Ces mouches n'étaient pas que de la chance. Si vous y arrivez, vous pourrez épouser ma fille et avoir la moitié du royaume pour vous. Finalement, elles m'ont porté chance. Comme vous le souhaitez, Majesté, j'irai dans cette forêt et je reviendrai seulement avec de bonnes nouvelles. Très bien. Vous pouvez prendre autant de soldats que vous voulez. Mon roi, je n'ai pas besoin de soldats du tout. Je vais y aller tout seul et vaincre ces 2 géants facilement. Alors, il alla dans la forêt profonde. Et quand il y arriva, il vit les 2 géants dormir profondément. Il escalada un pommier juste au-dessus des 2 géants endormis et cueillit 2 pommes. Maintenant, amusons-nous. Il jeta une pomme sur l'un des géants. Elle frappa le géant à la tête et le réveilla. Hé! Tu viens pas de me frapper à l'instant? Quoi? Quoi? De quoi tu parles? Tu veux pas que je dors? Pourquoi je serais frappé? Allez, rendors-toi! Peut-être que je rêvais! Et il se remit à ronfler. Riol jeta une autre pomme, mais cette fois sur le 2e géant. Il se réveilla de colère par la douleur. Oh! Tu m'as frappé? Non, pas du tout! Tu ne m'as pas vu dormir? Mais je suis sûr que tu m'as frappé! Tu m'as réveillé une fois! Et maintenant tu me trompes encore! Au même instant, Riol jeta une pomme de l'autre côté. Cela attira l'attention des 2 géants qui entendirent le bruit de la pomme frapper l'écorce d'un arbre. Je pense que quelqu'un est là-bas. Il essaye de nous déranger. Eh bien, c'est pas très malin. Alors, allons le chercher. Alors qu'ils passaient sous l'arbre, une grande cage tomba sur eux et les piégea. Les deux géants firent de leur mieux pour sortir de la cage. Mais bientôt, ils s'évanouirent de fatigue. Riol sourit. Je vous ai eu. Votre Altesse, j'ai attrapé les géants. Aurais-je la princesse et le royaume? Si facilement. Non, pas encore. J'ai une tâche de plus pour toi. Aux confins du royaume, dans les bois, vit une licorne. Apporte-la-moi. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu épouseras ma fille et que tu auras la moitié du royaume. Je ferai avec plaisir ce que vous me demandez. Alors, il s'en alla dans les bois pour capturer la licorne. Quand il la vit, c'était en effet une très belle créature. Quand elle vit Riol, elle lui parla avec colère. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous entré dans ma forêt? J'ai été envoyé par le roi pour vous ramener avec moi. Le roi? Le roi a déjà eu sa chance pour m'emmener. Je lui ai demandé de m'accorder un seul de mes souhaits, mais il n'a pas pu le faire. Et quel était ce souhait? Laissez-moi essayer de vous l'obtenir. Je souhaite voir un arc-en-ciel. Je n'en ai jamais vu de ma vie, et tous mes amis l'ont fait. Si vous pouviez le faire, j'irai avec vous au royaume. Riol leva les yeux. C'était très nuageux et il allait bientôt pleuvoir. Il réfléchit un instant et une idée lui vint. C'est tout? C'est une tâche facile. Je peux vous montrer l'arc-en-ciel dans quelques instants. À ce moment-là, il commença à pleuvoir très fort. Riol et la licorne couraient sous les arbres pour se mettre à l'abri. Vous m'avez menti! Je voulais voir un arc-en-ciel lumineux. Et vous avez fait venir la pluie. Je suis un magicien. Et je puise mon pouvoir de la pluie. Une fois que j'aurai absorbé toute la puissance, je vous montrerai l'arc-en-ciel. La pluie s'arrêta vite et les nuages se dissipèrent en révélant un arc-en-ciel. Maintenant, regardez-moi ça. Levez les yeux au ciel. Oh, c'est beau! Les couleurs remplissent mon cœur de bonheur. Oh, merci, grand magicien. Comme je l'ai promis, je viendrai avec vous chez le roi. Alors, Riol et la licorne retournèrent au royaume ensemble. Bon roi, je t'ai ramené la licorne. Maintenant, vous devez tenir votre promesse. Très bien. Tu auras la moitié de mon royaume et tu épouseras ma fille demain. Ainsi, le lendemain, une grande cérémonie de mariage eut lieu et le royaume s'en réjouit. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient au lit, la princesse entendit Riol parler dans son sommeil. « Mon garçon, taille ce manteau et couds-le bien. »« Manteau? Coudre? Mon mari n'a rien de spécial ni de noble. C'est juste un tailleur. » En colère, la princesse alla voir son père et lui dit ce qu'elle avait entendu. « Mais je ne peux pas lui dire de partir. Ce ne serait pas juste. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère. Je vais le faire enlever par mes gardes ce soir. » Pendant que le roi parlait, un ministre qui aimait beaucoup Riol entendit ce que le roi avait dit. Il alla voir Riol et lui répéta tout ce que le roi avait dit. « Riol, ce soir, vous êtes en grand danger. Le roi essaye de se débarrasser de vous. Vous devez faire attention. » Tiens donc, le roi est vraiment un ingrat alors. Merci, sire. Je vais voir ce que je peux faire. Cette nuit-là, devant la chambre de Riol, les gardes du roi vinrent pour l'emmener. Ils s'assurèrent que Riol dormait. Mais Riol était très éveillé et en alerte. Quand il entendit le bruit des gardes arriver, il parla tout haut. Je suis le grand et puissant Riol. Je suis l'homme qui en a chassé 7 tout seul, qui a transformé la roche la plus dure en eau et piégé 2 des géants les plus dangereux. Oh, on dirait qu'il parle dans son sommeil. J'ai entendu des gens marmonner bruyamment, mais je ne savais pas qu'ils pouvaient parler aussi fort. Pourquoi dois-je avoir peur des gens qui se tiennent devant ma porte en attendant de bondir sur moi? Ont-ils besoin de plus de preuves de la force que je possède? Il sait que nous sommes là. Courez! Je ne veux pas que cette colère s'abatte sur nous. Courez! Et ils s'enfuirent dans leur quartier. Riol s'endormit profondément une fois qu'il était sûr que personne n'était plus là. Depuis, Plus personne n'a jamais interrogé Riol sur sa force. Il régnait avec fierté sur la moitié du royaume et jouissait de la vie avec sa femme. Riol ne fut plus jamais fort. Ce n'est pas sa force qui lui donna du succès. C'était la façon dont il utilisa son esprit et son cerveau pour être le souverain d'un demi-royaume. Eww, une mouche dans ma confiture. Comme c'est dégoûtant. Permettez-moi, ma chère, de vous dire qu'elles m'apportèrent beaucoup de chance. Et c'est peut-être aussi un peu la chance qui changea un peu le cours de son chemin.